Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 70e émission, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Guyenot. Laurent, bonjour à vous. Bonjour Vincent, bonjour Xavier, ravi d'être avec vous. Oui, c'est nous qui sommes ravis. Laurent, vous êtes docteur en études médiévales et depuis 2012, vous vous intéressez principalement à l'histoire contemporaine de l'État profond américano-sioniste et au judaïsme. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, je citerai Jésus et Jean-Baptiste, enquête historique sur une rencontre légendaire, La mort féerique, anthropologie du merveilleux chez les éditions Gallimard, JFK 11 septembre, 50 ans de manipulation chez les éditions Blanche et Contre-culture, et enfin, Laurent Guyenot, vous nous revenez avec ce dernier ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui, du yavisme au sionisme, avec comme sous-titre Dieu jaloux, peuple élu, terre promise, 2500 ans de manipulation. Je tiens à dire tout de suite que c'est un très bel ouvrage, avec une belle couverture de notre camarade Marie et un contenu absolument passionnant et très bien écrit, très clair, Laurent Guyenot. Je tenais ici à le dire, c'est fait. Mais avant de parler de tout cela, chers auditeurs, je vous informe que je suis aux côtés de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Laurent Guyenot, c'est la première fois qu'on vous reçoit au micro de l'heure la plus sombre. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, quel est votre parcours? Qui êtes-vous? Bien. Alors, qui suis-je aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, je me considère comme quelqu'un qui est militant ER. Et je trouve que c'est ma... Enfin bon, j'ai plusieurs vies, j'ai aussi une vie familiale, une vie professionnelle, mais celle qui... En tout cas, j'ai une part de moi qui est aujourd'hui très sympathisant ER, et je me considère comme militant à ma manière, c'est-à-dire que j'essaie de contribuer à ce combat. Et... Donc ça, c'est quelque chose qui a commencé en 2012, parce que c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'État profond, au 11 septembre au départ. C'est ce qui m'a entraîné dans des questionnements sur l'histoire des États-Unis, sur Kennedy, etc. Et puis c'est un petit peu après que j'ai rencontré, que j'ai fait connaissance avec ER, parce que j'étais dans des recherches anglophones au départ, donc je connaissais pas très bien ER, Alain Soral. Et puis bon, il y a une jonction qui s'est faite avec ça. Alain Soral m'a publié en quelque sorte, enfin m'a aidé à être publié plus exactement. Donc c'est grâce à lui que ce premier livre a été publié. Et je suis très très fier de ça et reconnaissant à Alain pour m'avoir permis de contribuer, parce que ce livre, je pense, a quand même joué un petit rôle. Il s'est pas mal vendu. Vous parlez de JFK. JFK 11 septembre. Sur un sujet, j'avais pratiquement aucun espoir d'être publié, quoi. Et pour moi, j'étais déjà prêt à le publier sur un blog. Donc là, il y a eu un livre. Je pense que Alain Soral a senti que c'était quand même, il y avait une recherche sérieuse. Et il a décidé de le soutenir. Et, bon, et puis à partir de là, moi, ma culture, elle s'est enrichie avec ER, hein, sur des tas de sujets. Et mes questionnements au départ sur le 11 septembre, assez rapidement, mais pas tout de suite. Hein. En fait, à la fin de mon livre, c'est pour ça que mon livre JFK 11 septembre, en fait, Israël, j'en parle à la fin, parce que c'était un peu des rajouts de dernière minute. C'est-à-dire qu'en fait, quand on creuse le 11 septembre, on est vite happé dans un certain complotisme, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire qui voit la main de Bush, du complexe militaro-industriel, etc. Mais il faut vraiment creuser et être exigeant pour arriver à trouver qu'il y a quand même Israël aussi. Tu vois, et quand tu creuses donc plus, tu t'aperçois que la main d'Israël, elle est très très obscure, mais elle est très présente. Et donc du coup, je me suis intéressé au sionisme, hein, naturellement. Donc lorsque j'ai étudié Kennedy, j'ai aussi découvert qu'au fond, si on creuse vraiment, on s'aperçoit qu'en fait il y a un voile, il y a un double voile, parce qu'il y a la thèse officielle, mais les thèses complotistes grand public. Hein, puisque quand même 75% des Américains ne croient plus à la thèse officielle. Donc à quoi ils croient? Ben, à tout un tas de trucs, la mafia, le complexe militaro-industriel et tout. Mais dans une large mesure, ça c'est encore un voile qui est entretenu par les grands médias, puisque c'est le Washington Times, c'est le New York Times et le Washington Post, hein, qui ont un petit peu en sous-main, discrètement, suscité cette thèse. Et quand tu es exigeant, quand tu veux aller plus loin, tu t'aperçois qu'il y a Israël. Donc moi, ma conviction, elle est aujourd'hui qu'Israël a un rôle très très fort dans toute cette histoire profonde des États-Unis. Donc du coup, naturellement, j'ai voulu comprendre un peu plus ce qu'était le sionisme, qui n'est pas simplement un nationalisme, tu vois, c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est quelque chose d'international, c'est pas un nationalisme, c'est un internationalisme. Donc la nature même du sionisme, c'est quelque chose qui me travaille, et puis au bout d'un moment, tu es forcément amené à essayer de creuser la question de la racine biblique de tout ça, hein, le judaïsme, le sionisme. Donc ce livre, en fait, j'ai continué ma démarche historique à rebours, hein, puisque dans JFK en septembre, je commençais à JFK pratiquement. Là, j'ai continué à m'intéresser aux guerres mondiales, à la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'ai fait connaissance avec le révisionnisme, avec toutes ces questions, toute cette manière de diaboliser l'ennemi. Est-ce que l'ennemi a un point de vue qui mérite un truc ? Je me suis posé ces questions-là. Donc, j'ai traversé cette période des guerres mondiales. En essayant de comprendre quel était le rôle du sionisme dans le déclenchement de ces guerres. Donc ça, j'en ai tiré quelques articles et puis quelques chapitres dans ce livre. Et puis, le Moyen-Âge, comme je suis médiéviste, forcément, j'ai aussi fait le lien avec des questions que je me posais, hein, sur le Moyen-Âge. Enfin, que je ne me posais pas vraiment avant, mais que j'ai commencé à me poser. J'ai découvert le mouvement le maranisme, hein, donc j'ai découvert que c'était quand même quelque chose de très important pour comprendre l'influence du judaïsme sur l'Europe. Hein, il faut comprendre cette période du maranisme. Les maranes, c'est-à-dire les juifs, les crypto-juifs, hein, ouais. Faussement convertis au christianisme. Voilà, faussement ou à moitié faussement, ou c'est très complexe le problème du maranisme, on ne peut pas le réduire simplement à des... Mais c'est devenu un christianisme très particulier, soit purement, faux, hein, ou soit à moitié faux, mais c'est quelque chose en tout cas qui a énormément influé sur la culture européenne, mais aussi sur l'économie, hein, puisque le maranisme a joué un rôle déterminant dans la mondialisation, on va dire, du XVIe siècle, y compris dans le Nouveau Monde, hein. Christophe Colomb et tout ça. Et puis bon, après, la Bible. Alors, moi, j'avais un peu une culture biblique, en fait, déjà. J'avais déjà étudié un peu la Bible, ça m'avait intéressé. Et puis, je me suis donc replongé dedans avec des questions nouvelles, quoi. Donc, c'est pour ça que ça part du yavisme. Voilà, et donc, on en vient à ce nouvel ouvrage sorti chez les éditions Contre-Culture, du yavisme au sionisme. Alors, ma première question, Laurent Guyenot, qui y avait et qu'est-ce que le yavisme ? Alors, qu'est-ce que le yavisme ? Peut-être on commence par là. Le yavisme, c'est un terme qui est peut-être que j'ai choisi pour faire simple. Ça correspondrait à ce que les biblistes appelleraient le deutéronomisme, parce que il y a une idéologie quand même dans la Bible. Dans la Bible, on dit il y a plein de trucs, c'est écrit à des époques différentes par des. Bon, c'est vrai, mais il y a quand même une certaine unité. Et l'unité, c'est en général, c'est d'une manière générale la couche la plus ancienne. Enfin, peut-être pas la couche la plus ancienne, parce que c'est la couche rédactionnelle la plus ancienne, mais cette couche elle-même a récupéré... Le noyau. Voilà, le noyau. Et ce noyau, c'est le Deutéronome, mais le Deutéronome a été écrit, de l'avis de tous les spécialistes, par une sorte d'école de pensée qui a aussi écrit les livres historiques et les cinq livres du Pentateuque. Donc, le noyau de ce cœur de la Bible, c'est l'idéologie qu'on appelle traditionnellement le deutéronomisme, mais que j'appelle le yavisme, parce que l'idée centrale de cette idéologie, c'est Yahvé. Hein, l'idée centrale et le personnage central, c'est Yahvé. Donc là, on parle bien de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament, bien sûr. De l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la Bible hébraïque. Hein, le Tanakh, en fait, pour les Juifs. Hein, alors que, voilà. Et alors, qu'est-ce qui différencie Yahvé du Dieu des chrétiens ou du Dieu des musulmans ? Disons que il vaut peut-être mieux partir de la... Parce que si on... Qu'est-ce qui différencie ? Il faudrait donc définir le Dieu chrétien en même temps. Si on prend une approche chronologique, c'est-à-dire on essaye de comprendre comment est né Yahvé, hein, bien avant que les chrétiens existent, évidemment, on comprend très, très simplement les choses. Et après, on peut comparer avec le Dieu chrétien. S'interroger sur est-ce qu'il y avait vraiment un Dieu universel, universaliste, comme l'est le Dieu chrétien, etc., ou le Dieu de l'islam. Mais qui est Yahvé? Donc, c'est le dieu jaloux, hein. Je pense que c'est sa caractéristique principale. Et dans les derniers chapitres, je vais plus loin, je dis que c'est le dieu psychopathe, en fait. C'est-à-dire que c'est un dieu qui a un caractère particulier qu'on peut définir aujourd'hui comme sociopathe, on va dire, ou psychopathe, selon... C'est-à-dire que c'est un dieu qui se définit au départ dans la Bible, très clairement, comme le dieu qui veut détruire tous les autres dieux. D'accord? Mais ce dieu-là... n'est pas au départ non plus, et ça tous les gens, Jean Solaire le dit, pratiquement tous les biblistes l'admettent, hein, on le trouve, c'est une idée commune, c'est-à-dire que au départ, Yahvé n'est pas le créateur de l'univers. Au départ, Yahvé, dans les couches les plus anciennes de la Bible, on le voit très clairement, c'est le Dieu d'Israël, au même titre que tous les peuples ont leur Dieu. C'est un Dieu national, c'est un Dieu militaire. À la limite, c'est même presque pas un dieu, parce que c'est un roi. C'est un roi, c'est-à-dire c'est un dieu roi, en fait. Et l'autre dieu qui lui ressemble le plus à l'époque où on pense est née toute cette religion, c'est Assur, le dieu des Assyriens, qui est un dieu militaire, qu'on emmène, on emmène son effigie ou quelque chose en bataille, etc. C'est un dieu national, et c'est un roi, c'est-à-dire que c'est pas un dieu de l'autre monde, c'est pas un dieu qui... voilà, à la limite, on pourrait presque dire que c'est pas tout à fait un dieu. Alors que dans les cultes de l'époque... Le créateur est plus souvent une créatrice. Oui, il y a une très forte présence, ouais, de la grande mère ou d'une déesse universelle. C'est vrai que la déité universelle, elle est souvent féminine dans le monde antique. Hein, elle a pour nom Ashira ou Isis ou Ishtar. Et donc ça, c'est une caractéristique aussi de Yahvé, qui n'a pas de compagne. Et dans la Bible, on voit d'ailleurs... On peut retrouver aussi chez Marie, dans une autre mesure, dans le christianisme. Bah oui, alors donc Marie semble être fortement... Le culte marial semble avoir, en tout cas, c'est superposé, on va dire, au culte d'Isis. Hein, puisque, et même au point que certaines statuaires dans le midi de la France, vous savez, les Vierges Noires, beaucoup de gens se demandent si c'était vraiment la Vierge ou est-ce que c'était pas Isis. Bon, enfin, ça, c'est des questionnements accessoires, mais... Et donc, vous parliez de Yahvé et des points de distinction avec le Dieu des chrétiens et des musulmans. Ouais, d'accord. Donc, ce Dieu jaloux, c'est le même Dieu... c'est-à-dire que le Dieu des chrétiens est un Dieu aussi qui a évolué, qui est le fruit d'une histoire. Hein, tout ça, la culture, la religion sont le fruit d'histoire. C'est de la pensée humaine, donc c'est quelque chose qui se construit. Donc, le Dieu chrétien, il est construit, il s'est nourri de beaucoup de choses. Il s'est nourri de Yahvé, quand même, entre autres, mais aussi de l'idéal gréco-romain, de la philosophie gréco-romaine, d'une certaine vision de Dieu. Donc il y a un mélange de plusieurs choses, et un mélange qui se fait pas toujours très bien, puisque même les chrétiens se posent beaucoup de questions sur le rapport entre le Dieu, vous savez, ce fameux jeu de mots, le Dieu des armées, hein, le Dieu militaire, le Dieu des armées de l'Ancien Testament, et puis le Dieu des armées, hein, sans armes, du Nouveau Testament. Ça a toujours été un questionnement intense. Donc, quel est le rapport entre le Dieu chrétien et le Dieu juif? C'est complexe. J'entendais récemment Youssef Indy qui disait que dans l'Ancien Testament, il y a deux dieux. Bon, on peut, c'est vrai, s'en sortir comme ça. Il y a le Dieu tribal et puis le Dieu universel. Et... Alors, une idée que vous développez dans votre livre qui m'a semblé très intéressante, c'est le parallèle entre Yahvé et le dieu Seth, qui est la conclusion d'une partie dans laquelle vous comparez l'histoire d'Abel et Caïn avec l'histoire de Jacob et Ésaü et l'histoire donc d'Osiris et de Seth. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et développer cette idée-là? Oui. Ben, en fait, j'ai pris comme fil directeur dans mon livre l'histoire d'Isis et Osiris, enfin d'Osiris et Seth plus exactement. Alors Osiris et Seth très très rapidement, ce sont deux frères. Hein. C'est un mythe, on va dire, central dans la civilisation égyptienne jusqu'à l'époque hellénistique. Osiris est tué par son frère cadet Seth, qui veut s'emparer de son droit d'aînesse en quelque sorte, et Osiris se ressuscite grâce à l'amour d'Isis, sa femme sœur. Alors précisons que Osiris règne sur le Nil et que Seth règne dans le désert. Dans le désert. Oui, voilà. Seth, c'est le dieu du désert. Osiris, c'est le dieu des paysans, de l'agriculture. C'est Isis qui a importé l'agriculture aux Égyptiens, etc. Mais si vous voulez, pourquoi je me suis intéressé à ça au départ, c'est parce que dans mes questionnements dont j'ai parlé là sur le 11 septembre, sur Kennedy, sur les guerres mondiales, etc. Au fond, je me suis aperçu que l'important, c'est toujours quand même d'essayer de faire l'effort d'aller écouter le récit des perdants. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Le vrai historien, il doit quand même... Donc, et quand on remonte jusqu'à la Bible, on s'aperçoit très bien que la Bible est très fortement égyptophobe. Hein, voilà. C'est une évidence. Hein. L'Égypte, c'est l'ennemi. C'est l'Exode. C'est le pays qu'on a fui, c'est le pays de l'esclavage, etc. Et l'Égypte, c'est toutes les nations dans lesquelles aussi vivent les Juifs. Hein. C'est une sorte de la nation par excellence. Voilà, c'est la nation haute par excellence, la nation de la diaspora par excellence, c'est-à-dire la nation dans laquelle les Juifs vivent quand ils ne sont pas chez eux. Donc, ils vivent. Ils s'y enrichissent, ils sont asservis, il y a tout ça dans la Bible, dans l'Égypte. Donc, si on veut comprendre le judaïsme, il faut sortir de la Bible, en quelque sorte, en allant voir, en essayant de se positionner en Égypte et essayer de comprendre comment l'Égypte, qui était quand même une grande civilisation, il faut aussi comprendre ça. L'Égypte, c'est une civilisation magnifique. La Grèce, selon Hérodote, les Grecs ont tout appris des Égyptiens. Donc voilà, on a le droit d'être égyptophile et d'essayer de faire l'effort de comprendre comment les Égyptiens ont pu percevoir les Juifs et comment cette histoire de l'Exode ou de la captivité, etc., parce que Babylone, Égypte, tout ça, finalement, c'est un peu la même chose. Voilà, donc la civilisation égyptienne, il y a ce mythe central qui est Osiris et Seth, et effectivement, on trouve des correspondances troublantes voilà. avec Cain et Abel, notamment, avec une inversion, puisque Abel est le cadet dans l'histoire biblique. Celui que Dieu bénit, c'est le cadet. Et en faisant ça, Dieu transgresse en fait l'ordre social naturel, hein, qui veut que l'aîné hérite du droit d'aînesse, quoi. Enfin bref. Mais là, non, c'est Abel en quelque sorte qui est béni par Dieu, donc Cain le tue, etc. Et alors, là, on en parlera peut-être plus tard, mais une caractéristique de la Bible, c'est et du judaïsme en général, du judaïsme biblique, du yavisme, on parle du yavisme, hein, parce qu'après il y a le Talmud, tout ça c'est autre chose, mais il n'y a pas de vie après la mort. Donc il n'y a pas de résurrection d'Abel. Mais il y a un troisième fils qui s'appelle Seth, comme par hasard, il s'appelle Seth, ce qui est quand même très troublant, quoi. Donc tout ça pose des questions sur comment a été bâtie l'histoire de Cain, il y a en plus la relation entre Cain et Kénic. Bon, tout ça, j'essaye dans mon livre de ne pas me perdre trop, mais c'est quand même des choses intéressantes, donc j'aborde un petit peu ces questions-là. Quelle est, justement, puisque vous en parliez, quelle est la conception de la vie après la mort chez les Juifs? Alors, chez les Juifs, je ne peux pas répondre, parce qu'il y a les Juifs talmudistes, il y a les Juifs... le judaïsme n'est pas statique. Mais ce qui est certain, c'est que le cœur de la Bible, le yavisme, hein, est hostile à la notion de vie après la mort. Ça, c'est curieux, hein, on le sait pas trop, mais tous les biblistes sont d'accord avec ça. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, l'homme est poussière et retourne à la poussière, point. D'accord ? Ce qui veut dire... que le yavisme, du point de vue égyptien, justement, par exemple, hein, si on regarde le judaïsme antique du point de vue des Égyptiens ou des Grecs ou d'autres, le judaïsme n'est pas une religion, mais une anti-religion. Une anti-religion, dans la mesure où elle nie brutalement cette notion de vie après la mort. Bon, après, il y a d'autres notions qui viennent se surimposer à tout ça. Il y a la résurrection, mais justement, qui est une résurrection physique dans le judaïsme. Donc, sans âme, hein, pas besoin d'une âme pour ressusciter, tu vois. Donc, et de ce point de vue-là, le yavisme est une anti-religion pour les Égyptiens, parce que l'Égypte, c'est par excellence la civilisation... qui est obsédé par l'idée d'une vie après la mort. Tu vois, c'est le mythe d'Osiris est là pour le montrer, mais On a dit que les Égyptiens étaient nécrophiles, c'est-à-dire que la mort est vraiment fondamentale. Hein. Et ils ont transmis ça aux Grecs, et puis toutes les civilisations antiques ont ces questionnements sur la mort. Et bon, moi, c'est des questionnements aussi qui m'intéressent beaucoup. Hein. Je suis religieux dans ce sens-là, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup aux questions sur la vie après la mort, sur la nature de l'âme, etc., sur le lien qui nous relie à l'autre monde. C'est des questionnements que je me pose. Donc, j'ai été sensibilisé à cet aspect des choses, hein, qui me semble très très profond, parce qu'en fait, il est lié à une autre caractéristique du judaïsme, c'est que le judaïsme, en fait, je résume les choses comme ça dans le chapitre que je consacre à cette question, c'est que, en fait, du point de vue du judaïsme, l'individu n'est pas éternel, mais le peuple est éternel. Donc il y a une sorte de transposition de cette question de l'immortalité sur le peuple. Hein, c'est le peuple qui est immortel, qui est éternel. Et quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses sur la puissance du judaïsme, et puis cette espèce d'immortalité quoi, du peuple juif. Hein, Et ce qui explique aussi une approche de l'histoire qui est presque achronologique, puisque un rabbin peut par exemple expliquer que Hitler, c'est Esav, le frère de Jacob, ainsi de suite, qui serait une résurgence. Oui, une résurgence. C'est comme Netanyahou qui, aux Nations Unies en 2014, qui expliquait que l'Iran, c'était comme les Perses, exactement, autrefois. Oui, c'est le bon exemple, c'est le meilleur exemple, effectivement, tout récemment. C'est-à-dire que l'Iran, c'est toujours la Perse pour eux. Je préfère pas prononcer son nom, je l'écorche à chaque fois, mais les chefs d'État iraniens, c'est toujours les empereurs perses. Et c'est toujours la même histoire, effectivement. C'est effectivement lié à ça. Mais et ça, c'est une idée que j'ai trouvée chez Weininger. Hein, c'est un livre réédité chez Éditions Contre-Culture. Oui, que j'ai découvert grâce à Contre-Culture. Et surtout son chapitre. Il y a un chapitre sur les Juifs qui est extraordinaire, justement, et qui dit ça, entre autres. Hein, entre autres, il y a beaucoup de réflexions très profondes dans ce livre. Mais il y a celle-là, effectivement, que le peuple juif n'a pas d'histoire. Contrairement à ce qu'on croit, quelque part, hein, on imagine que le peuple juif a inventé la vision chronologique de l'histoire. Oui et non, hein, parce que non, dans la mesure où, finalement, comme vous le dites, Xavier, c'est toujours Pharaon, c'est toujours... Yasser Arafat ou Nasser, c'est Pharaon. Et même sous la plume de David Ben-Gourion, on trouve des trucs incroyables. Dans son journal, on trouve des réflexions selon lesquelles attaquer Nasser, c'était attaquer le pharaon, c'était venger ce que les Égyptiens avaient fait à nos ancêtres. Hein, donc effectivement, il y a une sorte de permanence. C'est pour ça que la Bible, parce que les Juifs, ils peuvent être talmudistes. Franchement, il n'y en a plus beaucoup qui sont talmudistes aujourd'hui. Les sionistes ne l'étaient pas. Mais quelque part, leur histoire, c'est la Bible quand même. Hein. Même s'ils ne l'ont pas lu en détail, ils ont été nourris au biberon avec. Donc leur vision, la vision qu'ils ont de leur propre histoire, de leur propre peuple, elle est quand même dans la Bible. Et effectivement, tout ce qu'ils vivent dans l'histoire, ils le voient à travers le prisme biblique. Et alors, Laurent Guyenot, quel est le projet messianique juif ? Eh bien justement, oui, c'est vrai que c'est une bonne question, parce que la Bible, finalement, qu'est-ce que la Bible ? Et c'est un projet. Pour moi, c'est un projet. Qu'est-ce que la Bible ? Est-ce que c'est un livre religieux ? Et on peut se poser la question, est-ce que c'est un livre religieux ? Il y a des livres, par exemple, justement, on parlait de Netanyahou qui citait le livre d'Esther. Dieu n'est jamais mentionné dans le livre d'Esther. Donc il y a des livres qui ne sont pas du tout religieux dans la Bible. Donc qu'est-ce que la Bible ? Effectivement, moi j'arrive à cette idée qu'au fond, l'essence de la Bible, c'est quand même un projet. C'est un projet qui est explicitement annoncé chez les prophètes. Les prophètes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des projets, enfin, à moins de prendre au sérieux leur vision de l'avenir. Moi, je préfère penser qu'il n'y a que des prophéties. Quand les prophéties se réalisent, c'est parce que ce sont des projets. Hein, on réalise les prophéties parce qu'on les prend pour des projets. Pour les Juifs, les prophéties sont un projet. Et les prophéties, si on prend celles d'Isaïe, par exemple, qui sont les prophéties les plus souvent citées par les sionistes, par Ben Gourion en particulier, eh bien, il y a un projet qui n'est pas un projet national, mais qui est un projet véritablement international, transnational, et qui est très simplement énoncé aussi bien dans le Deutéronome que chez les prophètes, qui est la domination du monde, des nations, la domination des nations par Israël. Voilà, si on veut résumer le projet, il est écrit noir sur blanc. Mais paradoxalement, pour la paix. Oui, pour la paix, mais la paix, voilà, je prends comme exemple, on peut prendre comme exemple cette fameuse prophétie d'Isaïe dans laquelle que tous les chrétiens connaissent et qui dit qu'un jour les épées seront transformées en charrues, etc. Tout le monde vivra dans la paix. Bon. Mais les chrétiens oublient ou ne connaissent pas bien les versets précédents qui expliquent très clairement que cette époque ne viendra qu'une fois que tous les rois se seront prosternés devant le temple de Yahvé. Donc par la guerre. Et voilà, par la guerre mondiale en quelque sorte. Hein. Bon, il n'y a pas de projet géostratégique dans la Bible. Hein. Il n'y a pas une géostratégie. Malgré mais il y a une géopolitique. Il y a Israël. Oui, il y a Israël. Et la question de ses frontières. Du Nil à l'Euphrate. Oui, bon, c'est-à-dire que oui, il faut pas non plus chercher dans la Bible, c'est pas les protocoles des sages de Sion, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme énoncé, mais il y a bon, il y a un royaume d'Israël qui doit dominer le monde. Hein, je pense qu'on peut pas, voilà. Alors donc, du coup, la nature du sionisme, qu'est-ce que le sionisme ? Ça n'est pas simplement un nationalisme. C'est forcément quelque chose, et donc c'est forcément quelque chose d'international aussi. C'est-à-dire que le sionisme international, c'est une capacité d'Israël au sens large. Et il y a une ambiguïté d'ailleurs dans le nom d'Israël, parce que Israël, c'est à la fois le nom d'un pays. Hein, hier, enfin à l'époque biblique comme de nos jours, mais c'est traditionnellement aussi le nom de la communauté juive mondiale. Hein, donc Israël n'est pas seulement à Tel Aviv, mais Israël est à New York, quoi, et à Paris, et un peu partout. Donc il y a un projet qui est un projet qui progresse par l'action des réseaux, hein, du réseau sioniste. Et quelle était la question ? C'était ça, non ? C'est ça. Et puis la question initiale sur le yavisme, donc. Et vous disiez que le yavisme était une idéologie. Bah, le yavisme, ouais, est une idéologie, voilà. Et le yavisme est une idéologie. Donc, c'est un projet. C'est le projet qui est mis dans la bouche de Yahvé. Hein, c'est Yahvé qui parle. Mais en réalité, évidemment, pour moi, Yahvé, je ne le prends pas au sérieux. Je ne crois pas que Yahvé soit une entité. C'est une entité imaginaire pour moi. Hein. C'est un dieu qui a été créé en plusieurs couches. Et en réalité, qui parle ? Ben, ça n'est pas Yahvé, évidemment. C'est les Lévites, hein, les prêtres. Et les prophètes, qui sont des prêtres, hein, faut pas oublier, les prophètes, on s'imagine souvent que ce sont des personnages qui viennent là pour juger les prêtres. Oui, mais oui et non, ce sont des prêtres aussi. Hein, ils font partie, pratiquement tous, sans exception, sont issus des familles de prêtres, mais d'un clan de prêtres contre un autre, éventuellement. Mais bon. Donc Yahvé parle à travers cette élite lévitique. Et ça, c'est très important, parce que je pense qu'aujourd'hui, comme hier, le judaïsme, c'est un système qui permet à une élite de contrôler une masse. Et j'insiste beaucoup là-dessus dans mon livre, je pense que c'est très important, ma vision du judaïsme aujourd'hui, je crois sincèrement que les juifs sont manipulés par leurs élites. Voilà. Et ils sont plus manipulés que quiconque d'autre. Et le message que j'aimerais, rien ne me ferait plus plaisir que d'être lu par des juifs, pour les aider à comprendre à quel point, dans toute leur histoire, ils ont été manipulés par une idéologie dont se sert une élite au pouvoir. Élite qui est prête à les sacrifier, à sacrifier la masse des Juifs quand ça les arrange. Voilà. Ce que vous expliquez précisément sur le Moyen-Âge, vous expliquez que les lois juives sont encore plus dures à l'intérieur de la communauté que vis-à-vis du monde chrétien. Oui. Mais d'ailleurs, ça, comment s'appelle cet auteur je crois que c'est Lazare, Bernard Lazare, hein, qui a publié Contre-culture également, qui le dit. Dans l'antisémitisme, son histoire et ses causes. Voilà, c'est ça. Et il parle effectivement de ces communautés juives askénazes qui vivaient sous l'emprise d'une élite qu'on appelait le Kaal, je crois, qui les terrorise, tout simplement, qui les met à mort. Donc, en Pologne, notamment, là, il s'agit essentiellement des Askénazes, parce que chez les Séfarades d'Espagne, c'était quand même différent. Donc, il y avait effectivement, là, on voit très bien un système de domination et d'ingénierie sociale, on pourrait dire, si on s'intéresse à ce concept, qui est très, très fort. Mais au fond, la religion est-elle autre chose que de l'ingénierie sociale, positive ou négative, hein, de toute manière, quelque part. Mais. Alors, le cas de Spinoza, qui a été exclu de la communauté juive, est fameux, mais vous rappelez aussi le cas de Maïmonide, dont les idées, au départ, n'ont pas été forcément admises, même si aujourd'hui il est considéré comme un des principaux penseurs du judaïsme. Oui, oui, oui. Ce qui se passe, c'est que la communauté juive, de tout temps, et dans la Bible, on le voit très clairement, est déchirée entre les tendances assimilationnistes et la réaction clanique. C'est-à-dire qu'on voit dans la Bible le peuple juif qui aimerait bien socialiser, lier des liens d'amitié et puis de mariage avec les peuples voisins, et l'élite, justement, condamne ça et de la manière la plus violente, condamne toute forme de rapprochement culturel, religieux, a fortiori, et conjugal, encore pire, avec les autres peuples. Mais dans l'histoire, et donc toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire, en fait, si on la lit bien, c'est pas simplement Yahvé et le peuple élu, c'est les élites et le peuple. Et le peuple n'arrête pas de se rebeller. Alors si on prend le point de vue yaviste, on va dire ce méchant peuple juif qui constamment désobéit à Dieu, mais bon, si on est un peu raisonnable, on se dit mais non, le peuple juif, il voudrait simplement vivre en bonne entente avec les peuples voisins, de temps en temps épouser des femmes des peuples voisins et puis établir des liens de confiance. Ce qui veut dire aussi respecter les cultes des autres. Bon, ben non, les lévites et les prêtres interdisent toute forme de convivialité. Et au Moyen-Âge, comme dans toutes les époques, il y a ça. Il y a beaucoup de Juifs qui cherchent à s'assimiler. Mais dans l'Allemagne des années 30, toutes ces problématiques de la communauté juive et les tensions internes très fortes entre les Juifs qui veulent s'assimiler et les Juifs qui veulent les en empêcher et qui créent donc des retraits identitaires très forts, c'est une histoire éternelle. Bon, alors si on prend Spinoza, c'est vrai que c'est un bon exemple parce que c'est un exemple du Juif courageux, intelligent, qui a voulu s'émanciper, et il y en a d'autres, Jésus en fait partie, à mon avis, Gilad Atzmon également, il y a des Juifs qui ont la force, l'intelligence de comprendre à quel point ils sont manipulés, à quel point cette idéologie les asservit, et qui ont l'énergie de s'émanciper. Spinoza, je pense, en faisait partie. Il a été banni, ostracisé, anathémisé par sa communauté. Mais paradoxalement, maintenant que, étant donné que les goyim l'ont accepté comme un grand penseur, Il a été réintégré à titre posthume. C'est intéressant, c'est ce que vous expliquez. Vous expliquez que le génie juif est très lié à cette tension, à cette histoire de cette émancipation à l'égard de ce système de pensée. Oui, ouais, ouais. D'ailleurs, je remercie beaucoup Marie qui a fait la couverture du livre d'avoir un peu illustré cette idée qui est une idée finalement centrale, je pense, dans ma vision du judaïsme, c'est-à-dire que le judaïsme est une prison. Mais quand on a dit ça, on a dit que la moitié des choses, parce que finalement, la vie n'est faite que de tentatives de s'évader, de dépasser nos limites, nos murs, etc. Donc, le fait que le judaïsme soit une prison, à mon avis, est l'explication du fait qu'il y a aussi un génie juif. Et le génie juif, c'est le génie de l'évader. C'est celui qui parvient à s'évader. Toujours d'une certaine manière. Je pense que quels que soient les génies, les vrais génies, évidemment, on ne parle pas ici des célébrités ou des maîtres à penser, mais des gens qui ont véritablement, qui avaient du génie, et pas forcément du génie intellectuel. Ça peut être des musiciens, des artistes, des gens qui ont... alors, il y a à la fois cette tendance assimilationniste chez eux, c'est-à-dire un vrai désir de rejoindre l'humanité, et donc, du coup, un vrai désir de briser les murs qui les enferment, de s'enfuir. Et je pense que le génie juif est très souvent lié à ça. Et donc, Laurent Guyenot, vous parliez de la prison juive. Donc la prison juive, oui, donc c'est le titre d'un livre en fait de Jean Daniel, célèbre journaliste, reporter, qui avait interviewé Fidel Castro, qui était chez Fidel Castro le jour où Kennedy a été assassiné. Enfin, quelqu'un d'intéressant. Et il a écrit ce livre qui s'appelle La prison juive, qui n'est pas un livre très intéressant, à mon avis, qui n'est pas très profond, mais le titre est quand même intéressant. Et dans ce livre, il explique que selon lui, les trois murs de cette prison, aujourd'hui, c'est Israël, l'État d'Israël, la Shoah, et quoi d'autre, hein, j'ai oublié. Et l'élection. Ben oui, et l'élection. Et là, c'est-à-dire, pour ne pas dire Yahvé, en fait, lui, il va dire l'élection, le fait d'être le peuple élu. Voilà. Et d'ailleurs, dans tous les statuts des organisations juives, on retrouve trois objectifs: resserrer les liens communautaires, la lutte contre l'antisémitisme, donc la Shoah, et la lutte pour le sionisme, donc Israël. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est les trois piliers. C'est pour ça que, d'une certaine manière... idée commune que même Alain Soral a évoquée, c'est que la Shoah est devenue un nouveau dieu, hein, et Israël aussi. Hein, et beaucoup de rabbins l'ont dit, beaucoup de juifs l'ont dit. Hein. Étant donné que les juifs ne croient plus vraiment... beaucoup de juifs ne croient pas en Dieu, et en Yahvé pas trop non plus. Il a fallu trouver un nouveau dieu pour ressouder la communauté, parce que maintenir la communauté soudée, c'est ça l'essence de la manipulation du peuple juif par ses élites. Donc Israël est devenu un dieu, hein, la solidarité vis-à-vis d'Israël est devenue un impératif. Et d'ailleurs, pour bien comprendre comment les élites manipulent le peuple juif, il suffit de se souvenir que les juifs étaient massivement anti-sionistes jusque dans les années... jusqu'à la création d'Israël déjà massivement, un peu moins, c'est vrai, après la création d'Israël, mais jusqu'aux années 60, beaucoup de juifs américains n'étaient pas du tout intéressés par Israël. Et à quel point... comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation actuelle où pratiquement tous les juifs se sentent, au moins en tout cas lorsqu'ils s'adressent à des goyim, sont farouchement des défenseurs d'Israël. C'est bien la preuve, et on pourrait trouver d'autres exemples, on pourrait aussi prendre la manière dont les juifs américains, qui étaient plutôt pro-allemands avant la Deuxième Guerre mondiale, et avant la Première aussi encore plus, puisqu'ils venaient beaucoup d'Allemagne justement, sont devenus de manière violemment anti-allemande. Tout ça, c'est le résultat de cette capacité des élites juives à manipuler, canaliser dans une direction ou une autre le peuple juif. Les juifs du quotidien, quoi. Permettez-moi de revenir sur la Bible. J'avais une question à vous poser concernant le regard que portent les chrétiens et les juifs sur l'Ancien Testament. Ce regard, vous dites qu'il est différent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, évidemment, il est différent parce que, comme le disait Xavier déjà, la Bible, elle est éternellement vraie pour les juifs, c'est-à-dire c'est un programme, c'est une histoire qui se renouvelle sans arrêt, alors que pour les chrétiens, c'est une histoire ancienne. Le peuple juif a été le peuple élu, certes, mais bon, ils ont perdu l'élection en quelque sorte. Hein. Bon, après, on peut chipoter sur est-ce qu'ils l'ont perdu pour toujours. Mais donc, pour les chrétiens, c'est une histoire ancienne. Et les chrétiens qui veulent maintenir l'unité de Dieu, c'est-à-dire l'idée que le Dieu de Jésus, c'est quand même Yahvé, quelque part, parviennent à expliquer l'incroyable contraste entre Yahvé et le Dieu et le Père de Jésus, en disant, oui, mais à l'époque, Dieu s'adressait à un peuple mal dégrossi, et donc c'est pour ça que Dieu, à l'époque, était un peu violent. Quoi, parce que ces juifs étaient pas très dociles. Bon, donc, mais pour les chrétiens, c'est une vieille histoire. Hein. Aujourd'hui, le christianisme, l'Église et le nouvel Israël, etc. Donc déjà, il y a ça. D'autre part, il y a autre chose, et tout ça est très paradoxal et très complexe. Hein. L'attitude des chrétiens vis-à-vis de l'Ancien Testament, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et pour des raisons simples, à mon avis, hein, c'est que... pour moi, Yahvé est un véritable poison civilisationnel, hein, c'est-à-dire que cette idéologie, c'est quelque chose de très foncièrement négatif. Et dans mes derniers chapitres, j'explique pourquoi Yahvé se comprend, l'emprise de Yahvé, hein, en tant qu'idée, parce que en tant que Dieu, ou en tant qu'égrégore, si vous voulez, s'apparente à l'emprise du père psychopathe sur son fils. C'est-à-dire que, voilà, donc, bon, on peut rentrer dans les détails si vous voulez, mais ce Yahvé, il est quand même dans le christianisme quelque part, c'est pour ça que le rapport est très complexe. Mais il y a aussi autre chose, paradoxalement, c'est que les chrétiens, paradoxalement, je pense, sacralisent l'Ancien Testament plus que les juifs. Parce que pour les juifs, certes, bon, maintenant, il n'y en a plus beaucoup qui croient que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, mais bon, Moïse, c'est Moïse, quoi. Et donc, il y a un rapport différent qui est très complexe chez les chrétiens, beaucoup plus que pour les juifs, parce que pour les juifs, le rapport est simple. Et justement, ces élites juives, pour empêcher leur peuple d'adopter le Nouveau Testament, a inventé le Talmud. Oui, oui, oui, d'une certaine manière, on peut voir les choses comme ça. Que vous expliquez en substance. Oui, oui. Bon, le Talmud, moi, je suis pas du tout... J'ai pas mis mon nez dans le Talmud trop, parce que... Mais bon, oui, on admet qu'effectivement que le Talmud est en grande partie né un peu en réaction contre le christianisme, c'est-à-dire que le rapport entre le rapport, on va dire, de priorité entre le judaïsme et le christianisme, il est un peu l'inverse de ce qu'on imagine. C'est-à-dire, si on appelle le judaïsme talmudique des rabbins, eh ben, il est postérieur, en fait, au christianisme, quelque part. Et il s'est construit dans l'hostilité au christianisme, alors au christianisme ancien, qui était multiple, pluriel. Donc ça fait partie de ces outils de canalisation. Ben, le Talmud a été effectivement un outil d'aliénation incroyable. Je pense que le Talmud, ça a été. On dit que le Talmud était une barrière autour de la barrière. La Torah est une première barrière avec toutes ses lois, et le Talmud, avec ses centaines de lois et d'interdits, est une sorte de barrière autour de la barrière. Barrière pour toujours pareil, isoler le peuple juif, l'empêcher d'avoir de la convivialité, de socialiser. Et ça, c'est la sociopathie. Hein. La sociopathie se définit comme ça. C'est une incapacité à socialiser. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est le père... Yahvé est le dieu sociopathe. Parce que, et c'est pour ça qu'il ressemble à Seth, le dieu égyptien Seth. Le dieu égyptien Seth, c'est le seul dieu égyptien qui a été exclu de la communauté des dieux parce qu'il fout le bordel, quoi. Hein. Donc, et Yahvé, c'est le dieu sociopathe dans la mesure où il ne supporte pas un quelconque autre dieu. Mais vis-à-vis du peuple juif, il est aussi un père sociopathe, hein, qui empêche ses enfants, qui transmet sa sociopathie ses enfants. Donc, la prison juive, c'est pour moi, c'est ça. Et c'est pas un jugement que je fais au peuple juif, au contraire, hein, c'est une analyse que je fais de la situation du peuple juif comme peuple prisonnier d'un père sociopathe ou psychopathe. Et le génie juif, encore une fois, c'est le fait de parvenir à s'émanciper de ce père. Et si l'Ancien Testament est une matrice historique, c'est néanmoins le Talmud que les chrétiens ont désigné au Moyen-Âge comme l'adversaire. C'est-à-dire, vous rappelez la querelle en 1236 à Paris entre Nicolas Donnin et le rabbin Yehiel, que gagne Nicolas Donnin, donc juif converti au christianisme. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur l'histoire du Talmud au Moyen-Âge chez les peuples chrétiens? Oui, brièvement. Le Talmud, donc moi, je n'ai pas vraiment, comme j'ai dit, pas approfondi, mais ce qui est curieux, c'est que le Talmud, les chrétiens le découvrent au XIIe ou même XIIIe siècle, il me semble. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup, ce qui pose des questions d'ailleurs un petit peu annexes de chronologie, mais... effectivement, les chrétiens découvrent le Talmud au XIIIe siècle et en deviennent très inquiets. Et donc, il y a des disputations qui sont organisées entre des prêtres et entre des théologiens et des rabbins, etc. Et puis, il y a toute une série d'interdits, le Talmud est brûlé, etc. Mais en même temps qu'apparaît le Talmud, ou juste après, il y a aussi la Kabbale, qui fascine beaucoup de théologiens un petit peu enfin, ou de penseurs, on va dire, hétérodoxes, hein, des gens qui essayent de... Voilà. La cabale fascine beaucoup et fait créer des divisions, et beaucoup de chrétiens, et je ne me souviens plus exactement les noms, mais se déclarent en faveur de la cabale, etc. Et puis, on a la naissance de l'occultisme, finalement, dans la pensée chrétienne, qui se complexifiera, puis qui donnera naissance à la période des humanistes, à différents cercles de pensée, illuministes ou théosophistes, et puis à la tout ça rentrera un petit peu dans le giron de la franc-maçonnerie plus tard, qui est imprégnée de cabale. Comme une influence du yavisme au sein du christianisme. Bah oui, voilà, mais alors au Moyen-Âge, justement, les théologiens, les autorités catholiques ne s'attaquent pas à l'Ancien Testament. Ils ne peuvent, voilà. pas, ne peuvent pas, ne veulent pas s'attaquer à l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, de toute manière, ça reste aussi, à mon avis, problématique. Hein. Mais je pense que tout le monde le sait que c'est problématique. Les chrétiens savent très bien que leur rapport à l'Ancien Testament est très problématique. Mais c'est une pierre angulaire de l'édifice. Si vous enlevez l'Ancien Testament, tout s'écroule. Hein. Donc c'est une... Alors... Moi, mon but n'est pas de déstabiliser les gens, ni de heurter leurs convictions. Et d'ailleurs, je décommande de lire mon livre aux gens qui ne veulent pas, qui se sentiraient menacés dans leurs convictions religieuses par cette approche. Hein. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'y aller, gardez y aller. Je m'adresse aux gens qui veulent, qui ont envie de dépasser ces cloisonnements religieux, hein, qui ont envie de, voilà, de... Et aussi bien aux athées qu'aux chercheurs spirituels, on va dire. Hein. C'est des questionnements qui... Mais c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Le rapport des... Hein, votre question était le rapport des chrétiens avec l'Ancien Testament. Le rapport des chrétiens avec l'Ancien Testament, c'est compliqué. Donc moi, je ne peux pas répondre à cette question. Ce qui permet aujourd'hui à beaucoup de sionistes d'agréer à eux, en quelque sorte, beaucoup de chrétiens, notamment dans les branches protestantes christianisme, ouais. par l'importance donnée à l'Ancien Testament. Oui. Bah, ce qui est certain, c'est que, l'Ancien Testament... Alors qu'ils n'en font pas du tout la même lecture. Non. Mais ce qui est certain, c'est que l'Ancien Testament est devenu plus important à partir du Moyen-Âge. Jusqu'alors, les chrétiens ne le lisaient pas. D'ailleurs, le fait qu'il était problématique était bien ressenti par les autorités qui interdisaient de le traduire, etc. Mais le protestantisme est un vétérotestament, un christianisme qui remet à l'honneur l'Ancien Testament, ça c'est clair. Et le calvinisme surtout, qui naît d'ailleurs en grande partie en contact avec le milieu maran. Hein, donc y a toute cette histoire, je la détaille. Dans un ou deux chapitres. Et puis, du calvinisme naît le puritanisme, qui est très associé à la révolution de Cromwell, au début, on va dire, d'une Angleterre très judéophile, hein, puisque à cette époque-là naît un incroyable engouement pour le judaïsme. Dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, un incroyable engouement pour le judaïsme. Qui est lié à la naissance de la franc-maçonnerie aussi, etc. Ce qui n'est pas le cas de la révolution luthérienne. Non, alors Luther a changé d'avis, c'est marrant. Luther, il a écrit au début, alors je n'aurais pu donner les dates exactes, mais il a écrit un livre très, très pro-juif, dans lequel il accuse le pape, le catholicisme, d'avoir maltraité les juifs, etc. Nos amis les juifs, Jésus était juif, je crois que le titre de son livre c'était Jésus était juif, quelque chose comme ça. Et puis un peu plus tard, il écrit un livre violemment judéophobe, parce qu'il s'est aperçu que les juifs qu'il espérait convertir ne se sont pas convertis. Mais donc, c'est surtout dans le calvinisme effectivement qu'il y a cette judéophilie très forte, donc dans le puritanisme et donc dans la matrice chrétienne de l'Amérique. Et c'est vrai que ça explique en grande partie la manière dont les sionistes et les néoconservateurs notamment, hein, ont réussi à mobiliser la droite chrétienne, voilà. par l'Ancien Testament, par les prophéties, voilà, etc. En le présentant comme un récit prophétique et divin, alors que eux-mêmes le considèrent comme une matrice universelle et atemporelle. Oui. Oui. Oui, c'est très étonnant. Hein, et c'est pour ça que je dis que l'Ancien Testament, quelque part, est un peu le cheval de Troie du sionisme et du judaïsme dans le christianisme. Mais l'Ancien Testament serait tombé en désuétude sans le Talmud. Peut-être. Alors là, c'est des questions et difficiles. On ne peut pas faire de l'histoire. On ne peut pas toujours savoir qu'est-ce qui se serait passé si. Mais c'est vrai que, par exemple, on peut même remonter plus loin parce que dans les premiers siècles, on a le christianisme. On a une église chrétienne à Rome. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on apprend chez les pères de l'Église. Qui voulait rejeter l'Ancien Testament, c'était Marcion, hein, Marcion qu'on classe dans les gnostiques, mais on ne sait pas trop s'il était vraiment gnostique. Mais les gnostiques à l'époque, c'est quoi? C'est des chrétiens qui ont un problème avec l'Ancien Testament. En gros, c'est ça. Et ils ont aussi un problème avec le monde matériel. Et ils disent, oui, mais le monde matériel, il a été créé par Yahvé. Yahvé, c'est le démiurge, c'est le mauvais Dieu. Donc l'Ancien Testament, ça ne nous intéresse pas, parce que c'est... Hein? Donc il y a eu un moment, je crois que c'était au second siècle, où il était possible que le christianisme se développe sans l'Ancien Testament. Le rejette, carrément. Et donc développe une culture évangélique autour de l'évangile, des lettres de Paul, et puis donc il y aura eu une rupture complète avec... Mais non, l'Ancien Testament a été défendu bec et ongle par la hiérarchie, on va dire, romaine de l'époque, et c'est quand même donc c'est le christianisme qui s'est accroché à cet Ancien Testament. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, moi, de mon point de vue, l'analyse que je fais du christianisme, que je ne cherche pas à imposer à quelconque, hein, à quiconque, c'est que le christianisme a été une incroyable opportunité de se libérer du judaïsme pour les juifs, parce qu'au fond, le christianisme des tout premiers siècles, il s'adressait aux juifs. C'était une porte de sortie des juifs pour rejoindre la culture helléno-romaine. Pour aller à l'universel. Pour aller à l'universel. Parce que Jésus, c'est, si vous voulez, il est quand même... bon, bien qu'il cite l'Ancien Testament, hein, tout ça est compliqué. Donc, mais quelque part, il invite les Juifs quand même à sortir du légalisme, à sortir de tout un tas de choses typiquement judaïques. Donc le christianisme a été cette formidable porte de sortie, mais finalement que les Juifs ont relativement peu emprunté, enfin, sauf au 1er siècle, et qui aujourd'hui est paradoxalement aussi une tête de pont du judaïsme dans la culture... Alors ce qui est intéressant et ce qu'il faudra suivre dans les prochaines années, c'est l'analyse qu'ont faite les élites juives, précisément sur la bataille démographique par rapport à la question d'Israël. Et les débats sont très très forts de savoir à quel niveau la conversion peut-elle être ouverte pour justement pallier à cette problématique démographique. Et on verra justement qui gagne entre le sang et l'intérêt politique pur. Oui, alors là, c'est des questions politiques. Vous voulez parler du mais par exemple, Jacques Attali explique très bien qu'il faudrait que les Juifs soient aujourd'hui 200 millions, que 15 millions, ne suffit pas. Ah oui, d'accord. Voilà, que dans un monde tel qu'il est, il faudrait que les Juifs soient 200 millions. Donc, qui est une analyse, froide et stratégique. Or, cette vision-là se trouve face à un mur... Ouais, alors là, moi, je connais pas le jeu. Ouais, quel est le projet? Quelle est la stratégie des élites? Parce que je suis persuadé qu'il y a effectivement que, au fond, le judaïsme, c'est une stratégie de certaines élites. Alors, ils ont besoin du peuple juif, d'un peuple juif suffisamment puissant, parce qu'ils ont besoin d'Israël. Mais à la limite, comme le disait Marx, ne sommes-nous pas tous juifs, d'une certaine manière, ne sommes-nous pas tous, quelque part, déjà, maintenant, tellement sous l'emprise du sionisme qu'au fond, est-ce que... Hein, je ne sais pas très bien quelle est la vision. Je pense que le sionisme est une maladie mentale, quelque part. Donc, on ne peut pas toujours... Il y a un moment où on est dans l'incohérence du projet de ces gens-là. Je pense qu'il y a un moment où on va vers le mur. Parce que la nature humaine, on n'est pas des bêtes, on n'est pas des animaux. La nature humaine fait forcément qu'il y a un moment où on ne peut pas détruire l'être humain, l'asservir jusqu'à... Il y a un moment où ça va pas fonctionner, quoi. Donc, là, c'est un grand mystère, hein. Jusqu'où veulent-ils nous emmener Ouais. C'est un peu finalement le message profond de votre livre, c'est-à-dire qu'il y a une incompatibilité, une contradiction fondamentale entre le judaïsme, c'est-à-dire être juif, et la nature humaine. On revient un petit peu à la question de la vision de l'homme de la Bible. Et comme je l'ai dit, la Bible nie le fondement idéologique, le socle idéologique de la Bible, est un déni de l'âme immortelle, de l'individu. Puisque le peuple est éternel, mais l'individu ne l'est pas. Et donc, effectivement, je pense que très profondément dans le judaïsme, bien que le talmudisme admet une forme d'âme immortelle, etc., bien que, mais il y a quand même dans le judaïsme quelque chose qui est de l'ordre de la négation de la dimension spirituelle de l'homme. Il faudrait que j'explique ça. Enfin, en tout cas, dans mon livre, je développe un peu cette idée. Et c'est quelque chose qui appartient au judaïsme, qu'on retrouve dans le freudisme, qu'on retrouve dans beaucoup d'idéologies qui sont imprégnées de yavisme. Il y a quelque chose qui est corrosif au sens spirituel du terme, et ça rejoint encore une fois le fait que, du point de vue du monde antique, le judaïsme primitif, le yavisme, était une anti-religion, et non pas une religion. Et alors, après toutes ces réflexions, Laurent Guyenot, je me dois de vous poser la question, selon vous, c'est quoi être juif ? Je peux pas le savoir, bien que, oui, non, finalement, vous avez raison, c'est la bonne question. Et le fait qu'on puisse au fond y répondre, c'est parce que, comme le disait Weininger, encore une fois, je pense que pour comprendre les Juifs, faut être un peu juif. Et je pense que je dois l'être un petit peu parce que j'ai le sentiment quand même d'avoir réussi avec empathie. Ma démarche, elle est empathique. C'est ce que vous dites. Vous dites que votre ouvrage est avant tout le fruit d'un effort d'empathie cognitive à l'égard des Juifs. Voilà. Vous avez voulu comprendre la judaïté. Oui, voilà. C'est pour ça que je cite beaucoup d'auteurs juifs. J'ai lu tout ce que je pouvais d'auteurs juifs des auteurs juifs qui se sont interrogés là-dessus. Mais bon, comme je le dis, la réponse essentielle que je dirais, c'est que le judaïsme est une prison. Le yavisme est une prison et le judaïsme est une prison d'une certaine manière. Mais il y a toujours une sorte de paradoxe là-dedans, c'est que n'a-t-on pas besoin de prison pour s'évader et Donc malgré tout, moi j'ai tendance à penser de manière de plus en plus dialectique, sous l'influence d'Alain Soral, je pense beaucoup, qui a une vision, je trouve, très intéressante de l'histoire, tout est dialectique, et les religions sont des constructions historiques, qui forcément doivent être dépassés dialectiquement. Et il y a une dialectique. Le judaïsme, je pense, d'une certaine manière, est quelque chose, est un élément corrosif, mais peut-être, au bout du compte, nécessaire dans l'histoire. Parce que c'est une prison, c'est un obstacle, c'est quelque chose qui doit être dépassé, et donc pour être dépassé, qui doit être compris profondément. Du yavisme au sionisme, chers auditeurs, Dieu jaloux, peuple élu, terre promise, 2500 ans de manipulation, de Laurent Guyenot. Un livre de 400 pages que vous trouverez sur contreculture.com au prix de 25 euros. Laurent, merci beaucoup pour votre travail colossal sur cette question et merci d'être venu au micro de l'heure la plus sombre. Merci beaucoup à vous deux. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Nous allons nous quitter en musique sur les notes de Typhon. Son album Résistance est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Bleeding Sky. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.